Friser le code. La perspective de recommencer le boulot au retour d'une semaine idyllique à Stockholm n'a absolument rien de stimulant. Comme à chaque fois qu'elle retombe dans la routine après avoir vécu des moments exceptionnels, Faustine a beaucoup de peine à rester de bonne humeur. Qu'elle ait envie d'être partout sauf ici s'entend très fort dans son mutisme. Ce n'est pas ce qui se passe dans le reste du monde. Le suicide collectif des membres de la bande à Bader, par exemple, qui va l'en distraire. Heureusement, elle sait désormais que la monotonie de son travail à la Müller et compagnie aura une fin. Elle se raccroche à la certitude qu'un de ces quatre matins, elle s'enfuira avec l'homme de sa vie. Ils iront vivre à l'étranger, libres et heureux, enfin. Depuis qu'elle a lu le Lys de Brooklyn, Faustine a très envie d'émigrer aux États-Unis, ce pays décrit comme celui de la liberté. D'ailleurs, ils en ont beaucoup parlé avec Maxime dans les ruelles de Gamlastan ou dans les restaurants. Dans leur chambre, ils avaient autre chose à faire. Quoi qu'il en soit, pour Maxime aussi, les USA ressemblent à la terre promise. C'est un pays assez grand pour y disparaître sans bruit et la pénurie d'ingénieurs compétents y est grande. La seule inconnue, c'est qu'il ne sait pas s'il aura trouvé un emploi avant d'y arriver. Et en principe, c'est la condition pour demander un permis, à moins de se résigner à toujours travailler au noir. Pour Faustine, les inconnues sont nombreuses aussi, tant sur le plan professionnel que personnel. Dans sa tête, tout est simple pourtant. Elle veut se marier, avoir des enfants et travailler. Pas forcément dans cet ordre, mais c'est l'idée. Dans tout ce qu'elle a de peu original, n'en déplaise à son aventurier d'amant. La dernière option, travailler, reste facultative. Elle dépendra de la présence et du nombre de leurs enfants. De son côté, au cours de leur conversation, Maxime essaye de faire passer un autre message, dont « ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin » serait l'antienne. Pour les enfants, il a déjà donné, merci. Un père en toi, nous valons mieux que ça, coupe court à toute aspiration de vie popote. Si Faustine n'était pas convaincue, la folle, l'inconsciente, de pouvoir le faire changer d'avis, elle partirait en courant, tant leurs objectifs divergent. Quant à savoir quel boulot sera à sa portée, avec son médiocre diplôme d'artisan décoratrice en vannerie, bien malin celui qui pourra le lui prédire. Elle craint fort d'en être réduite aux tâches de femme de ménage ou employée de cuisine, tant elle se voit mal monter une filiale de la Müller & Company aux States. Et pour cause. Simple paresse, peur de la concurrence, ses parents se sont bien gardés de lui enseigner les bases de la comptabilité ainsi que de lui transmettre le secret des fabrications maison. Résultat, elle est désavantagée pour monter sa propre entreprise. Il vaudra mieux chercher ailleurs. Au téléphone, Maxime la tient au courant de l'avancement des travaux. « Ça y est, j'ai mes vrais faux papiers !»« Génial ! François Maréchal, me voilà ! Comment ça s'est passé ?»« Bien, on dirait, puisqu'ils ne t'ont pas gardé. »« Facile ! J'ai appelé la préfecture la semaine passée et dit que j'étais un peu pressée. Du coup, j'ai esquivé le commissariat. »« T'as raison, c'est mal fréquenté ces endroits-là. » »« Et ?» Ils m'ont donné rendez-vous pour passer directement chez eux à la préfecture. Comme ça. Oui, mais prudence quand même. Avant d'entrer, j'ai planqué toutes mes affaires personnelles à la consigne de la gare d'écart. Après quoi, je me suis pointée au rendez-vous avec une enveloppe adressée à François Maréchal sous le bras, histoire de faire illusion. La secrétaire m'a reçue très gentiment. On a rempli ensemble les dernières formalités. Le seul moment où j'ai eu la trouille, c'est quand elle est allée faire signer les papiers au préfet. Il est sorti de son bureau, s'est dirigé vers moi. Là, j'avoue que je ne savais pas si je devais partir en courant. Mais non, c'était juste pour me serrer la pince. Ouf, oui, je comprends, t'as dû avoir chaud. Ouais, tu peux me féliciter maintenant. Bon, reste plus qu'à passer ouvrir un compte au Crédit Lyonnais. Dès que j'aurai un carnet de chèques, je commencerai à nous constituer un trésor de guerre. Puis, je chercherai une piole à louer. On pourra y mettre petit à petit ce qu'on voudra déménager. Nous aurons bientôt notre pied-à-terre à Nice, très cher. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis bravo et hurrah ! Je suis fière de toi. Merci. Ah, mais je ne t'ai pas dit. Quoi? Je vais à Dubrovnik fin novembre, ça t'intéresse? Oui, bien sûr, mais je ne vais pas avoir les moyens de venir. Sans compter que la mère. Pose-lui la question quand même, et je verrai comment je peux t'aider. Sinon, j'ai un voyage prévu à New York et Washington début février prochain. D'ici là, le trésor de guerre sera peut-être assez renfloué pour t'offrir une partie du billet. Par contre, il y a un truc que tu vas devoir faire. Lequel? Faudra que tu obtiennes de ta reine-mère qu'elle te fasse une lettre au nom de la société pour demander un visa indéfini d'entrée aux US. Elle doit faire comment? C'est très facile. Il faut juste qu'elle écrive qu'à partir de janvier 1978, tu voyageras souvent aux USA pour l'entreprise et qu'il veuille bien te fournir le visa adéquat. C'est tout. Ok, je vais lui en parler. Oui, fais-le. Ça serait vraiment bien que tu l'ailles, ce visa, parce que ça nous évitera des tracasseries par la suite. Mais quand Faustine évoque le sujet à l'atelier, c'est une autre chanson. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Il commence à me courir sur le fil avec ses méthodes douteuses. Franchement, t'es sûr que ça va suffire, un simple courrier officiel de ma part? Écoute, maman, Maxime va aux États-Unis plusieurs fois par an. Il doit savoir ce qu'il fait, non? C'est pas grand-chose pour nous faciliter la vie. Je vais me renseigner, mais dans un premier temps, je ne suis absolument pas d'accord sur le principe. D'abord, je n'ai pas du tout envie de me faire remarquer. Tu connais notre situation avec la double comptabilité. Et ensuite, je déteste mentir. Dire que tu vas là-bas pour le travail alors que ce n'est pas vrai, comment je le justifie, moi, si on me demande des comptes? Mais c'est juste un papier, maman, rien d'autre. Je t'assure que tu ne risques rien. C'est ce qu'on verra. Demande-lui quand même à ton hurluberlu. J'ai pas du tout envie de me lancer là-dedans à l'aveugle sans mesurer les risques. Et papa encore moins. Bon, d'accord, je vais lui demander. Sinon, ça avance au projet de vivre ensemble? Il s'accroche? Bien sûr. Tu n'y croyais pas? Non. Et je t'avoue que je n'y crois toujours pas. Je t'ai déjà dit que les hommes mariés divorcent rarement, à moins qu'il y ait beaucoup de fric à la clé, ce qui n'est pas le cas avec toi. Par contre, je veux bien admettre, quand on examine la situation avec un peu de distance, qu'il aurait tort de se gêner. Pourquoi? Il a 35 ans, je me trompe? Le bel âge pour un homme. C'est ça. Une femme, deux gamines, 10 ans de mariage, le ronron dans son boulot, de quoi s'emmerder ferme, tu ne crois pas? Tu oublies sa passion pour le jazz. Justement, il peut en faire où il veut. Il le connaît par cœur, son club du vieux Cagne. Il tournera bien sans lui. Aux US, c'est pas ce qui manque, les orchestres, avec en plus l'excitation de la nouveauté. Franchement, si tu veux mon avis, à son âge, recommencer sa vie avec un beau brin de fille tout frais, dans un nouveau boulot et un autre pays, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui refuseraient l'opportunité. La seule chose qui me choque, c'est ces histoires de disparition et de faux papiers. C'est juste pour sortir du lot et avoir l'air moins banal ou quoi? Pour moi, c'est tiré par les cheveux, dangereux et malhonnête. Peut-être, mais en attendant, si c'est ainsi qu'il le voit, je m'imagine mal le faire changer d'avis. Que sera, sera. Laissons-le aller jusqu'au bout. Alors, je peux aller à Dubrovnik? Non, pas cette fois. On a trop de travail, Fifi. Il faut songer aux commandes de Noël. Par contre, New York, Washington, pourquoi pas? Je vais voir avec papa. Et pour Noël, tu comptes faire quoi? Je n'y ai pas encore réfléchi. Il faudrait que tu t'organises. Cette année, on partira un mois avec papa et Stéphane. Monsieur Bernard gardera les poules et les chats. Ça serait chouette que tu te trouves une occupation. T'as une idée pour moi? Oui, j'ai toujours l'adresse de cet organisme pour jeunes filles au pair. Peut-être que tu pourrais creuser de ce côté-là. Génial. Je téléphone ce soir.